J'parie une somme phénoménale. Que j't'efface, que j'te gomme et que ça me fera même pas mal. C'est un pari original. Si j'gagne, je deviens général. Des armées du mal. J'parie une somme exceptionnelle. Que c'est pour un autre homme que tu t'es fait la belle. La question est un peu banale. Si je gagne, je serai un peu plus pâle. Mais j'aurai pas mal. Les doigts du cœur en éventail. Bye bye. En amour faut compter les mailles. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye. J'parie une somme qui a des rondeurs. Que tes rondeurs font comme s'ils t'aimaient le bon cœur. Ma haine n'est pas originale. Si j'gagne, je ferai chanteur de bal. Dans les amicales. Mes espoirs somnambules se taillent. Bye bye. J'suis dans un wagon qui déraille. Bye bye. Les nuits de noces, les fleurs Hawaii, bye bye. Je n'aime pas d'autre Lorelai. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye. Bye bye bye bye.